C'est elle à qui l'on doit le logo des 40 ans, cette belle petite capsule que l'on a vue un peu partout depuis quelques mois, presque un an hein, déjà. C'est presque un an, qu'elle est sortie cette capsule. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Benoît. Avec elle, une ancienne animatrice devenue journaliste et qui animait il y a encore peu une émission de cinéma, le mercredi, à 14h, c'était Silence, ça tourne, hein, c'est ça? C'est ça, oui. C'était tous les mercredis, puis après un peu un mercredi sur deux, et puis maintenant tu es partie voguer vers d'autres lieux. Bonsoir Élise. Bonsoir. Merci à vous, vous êtes les trois dernières à participer à cette académie avant la finale. Arriverez-vous à battre l'équipe de la bande à Bruno qui a réussi à gravir les marches? Alors déjà, sous Hélène, oui. Toutes les équipes ont atteint la 40e marche, ce qui est déjà il y a que le temps exceptionnel. Qui change. Tu veux nous mettre la pression là en fait. Il n'y a que le temps qui change. Voilà, pour l'instant, en finale, nous avons donc la bande à Bruno, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a plus qu'une équipe. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour vendredi prochain. Et actuellement, c'est les Halles qui sont aussi deuxièmes. Les Halles pour les Alpha Jet. Ah. Vous vous rappelez pas, j'ai eu du mal à prononcer, je savais pas comment le prononcer. Mais c'est les Halles pour les Alpha Jet, ces avions qui volent. Et qui vont nous emmener, qui les emmèneront peut-être jusqu'à la finale. Alors, bien sûr, je le redis pour ceux qui découvriraient l'Académie, il faut gravir 40 marches en 40 minutes maximum. Il suffit pour cela de répondre à des questions en 6 catégories disponibles qui rendent hommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire. On pourra retrouver des grands moments de la maison ou des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté et particulièrement aux jeunes. Des questions émissions, parce que bien sûr, des centaines d'émissions qui se sont passées depuis en 40 ans, des milliers sans doute. Des questions cuisine, parce que voilà, la cuisine, je le dis parce qu'il y en a qui ont posé la question, pourquoi on fait des questions cuisine? Parce que c'est un lieu de convivialité centrale depuis le tout début, depuis 40 ans. On en a fait des choses dans la cuisine. Il y a eu des émissions cuisine et à une époque même, on faisait même des émissions dans la cuisine. À l'époque, on était de l'autre côté. Maintenant, ce serait totalement interdit d'ailleurs de cuisiner, de faire des émissions en mangeant. Jean-Luc n'accepterait pas. Non. Des questions. La directrice non plus, je pense. À voir. Ça dépend ce qu'on mange. Voilà. On peut exactement. Manger en même temps, voilà. Exactement. Ça peut être très convivial. À Noël. Oui. Oui. Et ben voilà. Pour la finale. Oui, mais on sera pas au même niveau, donc on pourra manger en même temps. Tout à fait. Des questions musique, parce que bien sûr, Fadjet, c'est de la musique. Et des questions culture, parce qu'une radio comme la nôtre est aussi partenaire de grands événements culturels, notamment le Jardin du Michel, NJP ou bien d'autres. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe tire au sort les catégories. Elles sont ici, mais peut choisir le nombre de marches à gravir entre des questions à 1, 3, 5 et 10 marches. Une seule fois, vous pourrez utiliser les 10 marches. Arrivé à la 40e marche, l'équipe entonne la chanson finale parce que c'est une tradition. Alors je vous ai choisi une petite chanson facile à chanter, que tout le monde connaît et qui fait le buzz depuis une semaine. Ouais, c'est un petit loup qui chante. Il est mal aimé. Vous voyez de qui je peux... C'est la publicité... C'est la publicité Intermarché. Elle fait le buzz. J'allais dire, on va pas citer de... On va pas citer de nom, mais bon... C'est ni Super U, ni Auchan. Voilà, c'est l'autre. Mais à la limite, je dirais, elle le mérite. Elle mérite qu'on parle d'elle. Elle fait le buzz dans le monde entier. Elle fait le buzz dans le monde entier. Elle est pas du tout faite avec de l'IA. C'est des gens qui ont dessiné. C'est un dessin animé qui a été réalisé, qui dure au moins 3-4 minutes. Je sais pas, j'ai pas chronométré. Un an de travail, j'ai entendu le responsable. Effectivement. Et c'est français. C'est une de Montpellier, donc voilà, il méritait bien qu'on parle d'eux, et donc on finira avec cette chanson qui est quand même de Claude François, le mal aimé. Et donc, si vous atteignez les 40 marches, nous la fredonnerons en fin d'émission. Voilà, ça n'arrive jamais à Fadjet d'être mal aimé. D'être mal aimé, oui. Merci Aurélie. Ouais, c'est ça. Oh, on a du mal à suivre. Et juste avant de commencer, moi je voudrais faire un super big up à Benoît. Parce que c'est lui qui a porté cette série d'émissions, qui a créé une ambiance géniale à l'antenne, qui a permis à plein d'animateurs de se retrouver, de se rassembler. Ça aussi, c'est le projet de Fadjet. Et c'est un sacré boulot. parce que c'est de la préparation. Voilà, c'est vrai. Avec un gros. Il sera bientôt en vacances. Non, non, non, mais. Vraiment, merci, merci. Voilà. C'était une idée lancée comme ça, en l'air un peu, à l'occasion du 21 juin, deuxième événement des 40 ans de Fadjet. Et Benoît a porté ce défi-là brillamment. Et vraiment, merci. Merci à toi, Fabienne. Merci à vous. Et puis, merci à tous ceux qui sont venus, qui ont pris un peu de leur temps pour venir jouer avec nous le vendredi soir. C'est pas toujours un horaire facile pour tout le monde, même pour vous aussi, hein, puisque vous avez fait votre journée, mesdames, toutes les trois d'ailleurs, et vous venez jouer avec moi ce soir et avec nous et avec Sous-Hélène. Et Sous-Hélène aussi à la technique aussi. Voilà, donc on va peut-être y aller maintenant. Parce qu'on perd du temps là. Le chrono n'est pas mis en route. Il n'y a pas une musique avant. Si, on va y aller. Et on va vous demander le nom d'équipe. Vous avez déjà réfléchi, réfléchissez à cela. Et en attendant, on écoute M. Pokora avec sa chanson En haut des marches. Parce que comme je l'ai dit, la première fois, on l'a écouté lors de la première émission, on la réécoute ce soir, parce que c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de gravir les marches. Mmh. Et cette chanson-là, elle s'applique aussi bien à Fadjet, puisque derrière cette chanson qui peut paraître une chanson peut-être d'amour, il y a aussi les déceptions, les marches que l'on gravit, la difficulté de la vie qui fait qu'à un moment donné, il y a des épreuves et qu'on passe ces épreuves-là. On réécoute peut-être avec cette pensée-là, cette chanson d'M. Pokora, et on se retrouve après pour jouer. Puisqu'on retourne à la poussière et que rien ne dure pour longtemps, est-ce que tu m'aimeras comme hier? Tout en haut des marches t'attends, m'aimeras-tu si je redescends? Je veux pas qu'on brûle, t'es mon pays. Yeah. On ne grandit plus, on vieillit ensemble. Si l'amour est vrai, il ne change pas. Si le cœur est grand, il se venge pas. Toujours auprès de toi, mon ange. Faut qu'on apprenne à reconstruire chaque bout de sa peau. Savoir se pardonner ou partir avant de noir sur le tableau en haut des marches. Il y a la lumière. Nos squelettes danseront dans les tombes. Les hauts, les bas, on s'y habitue. Tu mérites rien d'autre que le monde. Arrête le temps et les secondes. Merci d'être là quand ça brille plus. En bas des marches, est-ce que tu m'aimes? Tu maquilles si bien tes blessures. Yeah, yeah, yeah. Puisque l'erreur est humaine, se faire du mal est si facile. Se pardonner est le plus dur. Qu'on apprenne à reconstruire chaque bout de sa peau. Savoir se pardonner ou partir avant de noir sur le tableau en haut des marches. Il y a la lumière. Yeah, yeah. T'es resté là. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. 19h passé de 14 minutes. Allez, on a le nom d'équipe. Alors, elle s'appelle comment cette 8e et dernière équipe? Les Fadjet Forever. Les Fadjet Forever. Avec l'accent. Merci, les Fadjet Forever. Nettement mieux comme ça. C'est parti. Alors, Je regarde ma copilote. Elle est prête? Je suis prête. Allez, on actionne le chronomètre. C'est parti pour 40 minutes ou moins. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, mes petites cartes. Hein. On se moque pas de mes petites cartes. Non. Et allez, on fait tirer Élise qui va choisir la première catégorie. Culture. Question culture. Alors, une question culture. Question culture. Et bien, combien de points? Oui. Ah oui, il faut qu'on dise les points. Il faudra les points, c'est vrai. Alors, j'ai tendance à partir. On part sur 5 au début. 5, allez. Les 5. Voilà, faites pas comme la semaine dernière. On va assurer le 10 sur un oui. autre, dans un autre domaine. D'accord. Allez, et là, c'est 48 et il y a question-réponse, attention, hein, on ne se trompe pas. Donc, on va écouter la question. La question, ce qui sont culture, tirée d'une émission de notre station que vous adorez toutes. Ah oui, forever. Non, non, on nous parle de cycle de la vie, de cycle de la matière, qu'on redeviendra tous poussière pour qu'au final, cette poussière refasse de la vie ou autre. Mais on a l'image que cette poussière qui constitue la Terre a toujours été là. Mais la Terre, elle n'a pas toujours été là. Donc, si on se pose deux secondes, elle vient d'où cette matière qui compose la Terre? Déjà, il faudrait qu'on définisse ce qu'est la matière. Et c'est je vais la faire très courte en frustrant les physiciens qui nous écoutent. Pour les physiciens, c'est tout ce qui se compose d'un volume et d'une masse. Si ça prend de la place et que ça a un poids, c'est de la matière. Okay. Ce qui la compose, eh bien, ce sont les atomes, donc composés eux-mêmes d'un noyau et d'électrons qui tournent entre guillemets autour de ce noyau. Mais la matière, suivant les paramètres environnementaux comme la pression et la température, ça peut changer de forme. Vous avez déjà tous entendu parler des états de la matière. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns et me dire combien il y en a? Ça commence fort. Les états de la matière, c'est ça? Ouais. Les quatre. Enfin, pardon. Je commence mal déjà. Donc. Voilà. Liquide, gazeux. Ouais. Solide. Solide. Et... non, tu l'as dit. Liquide, gazeux, solide. J'avoue que moi aussi, hein, les trois-là, on les a facilement. Ah oui. Et c'est pour ça que la question m'a dit bah, celui-là, j'avais du mal de l'avoir. Hein. Et si je te donne le nom de l'émission? Parce que c'est un petit bonus. Là, on l'a. C'est quelle émission? Émiscience. Hein? Émiscience. L'émiscience, non? Bah non, tu l'as même pas. Ah mince, zut. Alors, l'émiscience, alors, ils ont trois émissions, mais je pense que c'est une des émissions de Corentin. Oui, Corentin. Oui, oui, l'émiscience aussi. C'est Coco. Corentin. C'est Coco, qui, on le surnomme Coco dans l'émission, ouais. Alors, attends, liquide, C'est tiré du matin. Il fait une émission aussi le matin. Dans 94.2, une chronique science. Une chronique science. Oui, Corentin, oui, tout à fait. Donc ça, on l'avait. C'est la Saint-Corentin d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est voilà, pas une info essentielle c'est là. C'est pas le quatrième, mais il vous appelle matière, c'est ça. Il ne vous appellera pas. On peut avoir la première lettre. La première lettre. Bon, allez. Parce que c'est compliqué. Ou alors un exemple. Je vais vous aider un peu. Pensez à la télé. Alors là, c'est peut-être facile, du coup. La télé. Une télévision. Ah, cathodique. Oui, voilà. Alors, c'est pas cathodique, c'est. Oh. C'est l'autre. Numérique. Oui. C'est le troisième. Hertien. Non. Voilà. Restre. Non, tu l'as restre. Ah non, bah non. Moi je pensais qu'il n'y en a que trois de base. Donc, comme ça. Mary. Je suis pas moi, scientifique j'en connaissais trois. Moi aussi, hein, je fais pas le fier. Moi je l'ai appris aussi. Hein, donc, pensez à la télévision. Oui, t'as dit cathodique, mais alors maintenant c'est plus des tubes cathodiques. Ah. Ah oui, mais c'est des plasmas. Voilà. Et c'est le plasma. Le plasma. Et oui, alors oui, c'est pas le même plasma. Hein. C'est pas le même plasma des tubes cathodiques. Voilà. C'est celui des femmes enceintes. Ah bah alors là. Oui, c'est ça. C'est génial, cette émission, on apprend des choses. Ah bah oui. Mais c'est vrai que moi aussi, donc voilà, je dis ça c'est super, ça me vient une question. Merci ça. Merci Benoît. Ouais. Merci. On écoute la réponse. Il explique. Donc le premier, parce que c'est solide, voilà. Donc les particularités, c'est rigide et le volume est constant. Le deuxième, c'est la forme liquide. Là, le volume ne change pas, mais ça n'a pas de forme, ça s'adapte au récipient. Donc sachez d'ailleurs que dans certaines études, les chats sont considérés comme des liquides. Parce qu'ils arrivent. Ils se mettent partout. Ouais, parce qu'ils arrivent à prendre la forme du récipient. J'adore. Mais là, c'est pas vraiment une raison liquide, c'est plus leur morphologie qui fait que ils peuvent prendre un petit verre de chat. C'était tellement drôle. Salut gros liquide. Ensuite, on a l'état gazeux, là, pas de forme, pas de volume, ça peut occuper tout l'espace disponible. Ça marche aussi avec les chats. C'est vrai. Non. Mais donc, mince, je me suis grillé. Donc là, pas de forme, pas de volume, et ça veut occuper tout l'espace disponible. En bref, un homme qui vous donne des leçons de féminisme. Oh, j'adore. Et enfin, on a le plasma. Donc le plasma, c'est un gaz qui est tellement chauffé que là, les noyaux et les électrons, ils se séparent pour former une sorte de soupe de matière. Là, on n'est pas sur du 700 à 1200 degrés que peut avoir la lave en fusion. On est plus sur du 5500 degrés, voire à des milliards. Oh, oui. Et où est-ce qu'on peut trouver des températures aussi importantes qui vont nous donner du plasma? Noyau un peu plus près des étoiles. Le soleil, genre. Voilà, et vous vous rendez compte ce qu'il y a sur Fadjet quand même. C'est la culture. Alors. C'est là, là, c'est du. C'est la culture au niveau. Hein, c'est du haut niveau. Alors, c'est chez nous, c'est chez nous. Exactement. Je ne regarderai plus mon chat de la même manière. Oui, c'est vrai. Comme du liquide. Voilà, il y avait ça aussi. Il y a eu le coup du chat. Comment arriver à caser le chat qui exactement. Va être un état liquide. Voilà. Et bon. Le plasma, ce soir, avec des amis, ça sera sympa de glisser ça dans la conversation. Oui, hein, c'est... Hein, voilà. On peut la refaire comme ça hein, dans la conversation. Ouais. Les quatre états de la matière. Et c'est vrai qu'on les a tous. On craint facilement les trois. Bah, les trois. Mais après. À l'apéro, ça marche bien en fonction de ce que tu as sur la table. Oui, voilà. Ouais. Un chat aussi. Bon, en tout cas, merci Aurélie. Allez, voilà, ça fait 5 points. Belle réponse collégiale. Allez, vas-y. Fabienne. Donc, hop. Oh, cuisine. Cuisine. Une question cuisine. Mmh. Bah justement. Question cuisine. Et combien de points? Combien de points? 5. 5. Oui, 5. Allez, 5. Justement, on fait les transitions sans le savoir. Puisque... On va parler de plasma encore. De chat. Non, non. Mais... De chat. Peut-être d'apéro. Ah. De liquide. Ah, voilà. Alors là, on devrait savoir. Alors là... C'est encore Aurélie qui va répondre. Là, j'en suis sûre. Alors Aurélie, on mise sur toi. Qu'est-ce qu'une mitraillette? Une mitraillette? T'as dit que c'était du liquide là du coup. Ah bah là du coup j'ai quand même un peu aidé. On est sur du liquide. Et on est sur l'apéro. Oui d'accord. C'est je sais pas une mitraillette. Plein de shots. Mmh, oui. Que tu enchaînes. Tu enchaînes. Ouais. Tu peux t'en faire. Shot, hein. Tu peux t'en faire plein mais tu peux le faire tout seul aussi. Ben un mètre de shot que tu t'enchaînes. C'est pas ça. Ouais, non c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Une mitraillette. Ouais. Je sais pas si vous êtes adepte de la mitraillette. Qu'est-ce que vous buvez à l'apéro? De la bonne bière. De la mitraillette. Là de la bière. Mais de la bière. Ah, de c'est la bière. Peut-être une bière. Ah. Ah, ça pourrait être. C'est le nom de genre d'un cocktail, d'un mélange ou un nom vraiment de marque. Ouais, c'est plutôt un cocktail du coup, oui. Oui. Enfin, ah, c'est la plutôt composition d'un cocktail. Plutôt, oui, sur ce, avec la base dont a dit Élise. Ok. Ah, avec de la base de bière. Oh, c'est original. Avec une base de bière. Un cocktail. Hein. Mmh. Okay. Bah, c'est sûrement avec un sirop, ouais. Parce qu'on a tout ce qui est Monaco, tout ça, c'est des panaches grenadines, mitraillette. Il y a combien d'ingrédients? Il faut qu'on trouve les ingrédients. Il n'y en a qu'un seul avec. Ah, il y en a qu'un, c'est bière plus quelque chose. Bière et sirop. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être ça. T'as vu la tête de Benoît. On peut pas dire que ce soit un sirop. Ah, c'est un sirop bien fort, quoi. C'est un autre alcool. Un autre alcool. Ok. Bière et rhum. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on oublie. Ce qui est bien, c'est que Hélène, c'est qu'on on commence à avoir leur goût, tu vois. On peut... Vodka. Élise est plus bière tout c'est seul. Ça. Hein, voilà. C'est bière. Mais après, apparemment, autour de la table, personne ne connaît la mitraillette. Est-ce que le nom mitraillette a un lien avec cet alcool? Je ne sais pas, peut-être. Tu tomberais d'une fois que tu bois le mélange. Ah voilà, c'est, à mon avis, c'est plutôt alors, ça. Bière Mirabelle? Vodka? Non. C'est. Oui. Gin. Whisky. Ouais, c'est plus puissant, je pense. C'est un alcool courant? Ah oui, courant, très courant. Avec du gin? Enfin, je vois pas comment on dit une bière. Attends, gin, vodka, whisky. À mon avis, il faut en choisir un quand même. À mon avis, c'est pas quelque chose que vous buvez. Je suis pas adepte de ça. Du Belize. Non, plus simple. N'allez pas chercher très loin. Crème de cassis. Pastis. Ah oui. Ah. Bière pastis. Bière pastis. Oh, à la place de l'eau, tu mets la bière en fait. Ah. Oui, oui, c'est. Alors, on valide ça? Oui, Marseille, mitraillette. Allez. Oui, comme quoi, oui. Bière pastis. Allez. Allez, bière pastis. Bière pastis. Wow, merde. Yes. J'aurais eu vraiment honte de me planter sur ça. Ouais, vous n'êtes pas fan de pastis quand même, si. Si, si, oh, si. Mais pas, non, avec la bière, pas j'ai jamais testé. Bière, oui, mais alors, bière pastis, oui. C'est testé. C'est mitraillette. Bon, allez. On a encore appris encore. On testera ça pour la finale. Avec modération. Joyeux Noël. Prochain apéro. C'est plutôt l'été, ça, on va dire. C'est plutôt un... Oui. Bah, et on embrasse Marseille. Tout à fait, et ses préjugés. On a été un peu lente quand même, Aurélie, hein, sur cette question-là. Toi hein qui es, hein, bah, elle va se rattraper. Moi, quoi elle va se rattraper avec la prochaine, qui sera... Tintin. Solidarité. Ah, question solidarité. Alors, et la désolé, question Stéphane, là, combien de points avant, 5. On continue sur le 5, ouais. Ouais, les 5. Là, ils sont à quoi, 10 hein. Ah, 10. Bon, là, ça devrait être assez facile. Qu'est-ce que le calendrier de l'Avent inversé? C'est un truc très à la mode. Bah, tu commences par la fin. Commence par le tout bêtement. Non, non. Je crois que ça va un peu plus loin que ça, du coup. Donc, j'ai pas vu avant de venir. Hein. Je pense qu'il devait y avoir. Elle a pris une mitraillette avant de venir. Je pense qu'il y avait une mitraillette, je n'ai pas d'odeur, mais c'est pour ça que Fabienne est le plus. Bah, c'est logique. Oh, ça aurait fait être logique. Donc voilà. C'est-à-dire que tu commences par Noël. Tu ouvres par Noël et tu ouvres le chocolat. C'est, dans l'autre sens. C'est vachement solidaire, ça, en fait. Du coup, tu finis le premier. Je pense que c'est plutôt. Au lieu de prendre, tu donnes quelque chose. Ah, c'est ah, solidarité, là. Ça m'a. Ah, oui, c'est oui, quoi non. Là, merci. Juste ça qui m'a. Sinon, j'aurais répondu comme toi, je pense. Donc, voilà. Alors, c'est le fait d'offrir quelque d'offrir chose quelque chaque chose, jour chaque du 1er jour. Décembre à Noël. Pas tout à fait. C'est on n'est pas loin. De faire une bonne action. Une BA. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On aurait pu faire ça, Fadjet. On aurait pu faire ça. Faire une bonne action tous les jours On donne quelque chose à quelqu'un. Oui, c'est-à-dire, on est calendrier. Hein. C'est quoi le calendrier de l'Avent? On fait quoi? Normal. Du chocolat. On mange du chocolat. Non mais... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On ouvre. Donc, et on prend quelque chose. Donc là, on ouvre une porte et on met quelque chose dans une fenêtre. Dans une fenêtre. Alors, Donc, tu vas chez ton voisin, tu ouvres la porte. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met quelque chose dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres de quelqu'un. Non, dans une. Dans une boîte. Dans une boîte. Tous les jours. Alors après, donc le 2, on fait quoi? Eh ben on met à nouveau. On met à nouveau. Le 3. À nouveau. Voilà. Oui. Jusqu'au 24. Et après le 24, qu'est-ce qu'on fait? On va donner la boîte. Voilà, Élise. On va offrir la boîte. Tu nous as pas du tout aidé, Benoît. Non, pas du tout. T'as mâché la réponse, là. Ouais, mais je pensais que ça irait très vite, ça. En fait, pas tant que ça. Et en fait, voilà, donc c'est une. Ça se fait de plus en plus. Et ça a été parlé, on a beaucoup parlé dans les médias. Et justement, donc, le principe, c'est. Ça se fait dans les entreprises. Hein, c'est-à-dire que beaucoup, les entreprises, on crée des petites boîtes. Chacun donne, on met dans une boîte et après, on offre les boîtes à des organismes. Mais là, c'est. C'est un truc individuel, c'est-à-dire que chaque jour du 24 petits objets, la vie courante et tout, on met ça dans une boîte et le soir de Noël, on va l'offrir à quelqu'un dans la rue ou voilà, n'importe où. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un très beau concept. Un très beau concept, donc de le calendrier de l'Avent inversé. On fera ça l'année prochaine. Voilà, c'est une idée. Donc ce qui fait, Swellen, 15. Allez, on y va tout doucement et on refait un deuxième tour. Avec Élise. Insertion. On reste chez nous. Question insertion. À combien de points? 5 toujours, hein, ouais. Alors, attention, 68 en bénéficient, mais presque autant sont en attente. En attente de quoi? J'ai pas compris la question. Non. 68 en bénéficient, mais presque autant sont en attente. Mais en attente de quoi? C'est tiré d'une émission de Fadjet. Alors, j'ai pas de son, j'aurais pu prendre un son, mais c'est une émission assez récente où quelqu'un est venu parler d'un certain. Voilà, dans l'insertion. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ces chiffres? 68 d'un emploi. C'est normal, ouais. Bon. C'est pas de l'emploi. D'un stage. Et ça peut toucher l'emploi ou un stage à un moment donné, mais c'est plus large. C'est 68 genre dans Nancy, enfin ou... C'est un nombre de personnes. Ouais. Oui. Ou 68 en France c'est, en général. C'est sur le bassin, enfin le. La métropole. Voilà, la métropole de Nancy. Et on cherche. On est dans l'insertion. De contrat. C'est pas un... quelque chose de précis. Ouais, c'est pas un contrat, mais ça pourrait s'en rapprocher. Une alternance. C'est pas de l'alternance, mais c'est un peu dans ce dans ces eaux-là. Chantier d'insertion. Oh, c'est pas des chantiers d'insertion. Mais ça bénéficie à des gens en recherche d'insertion. Ouais, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Ça peut. De qualification. De. Diplôme. Bah non. C'est. Peu, trop peu. C'est. Non, c'est pas tout à fait ça. Comment je pourrais vous aider? Ça touche des personnes en. Je sais pas, qui ont une situation un peu particulière ou. Il s'agit de bénéficiaires du RSA ? Ouais, pas forcément. Non, ça peut être tout. Mais c'est plutôt des jeunes, on va dire. Plutôt des jeunes. Des jeunes. Parce que je pensais aussi, sinon, à des gens sans papier ou enfin, qui n'ont pas forcément. Ouais, non, pas spécialement. Non, je crois pas qu'il y en ait d'ailleurs. Le stage ? C'est pas tout à fait ça, mais vous avez presque tout dit sauf ça. Qu'est-ce qui nous manque ? Service civique ? Non, non. Non, non, non. 68 en même temps, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Hein. Ça et presque, on a, c'est-à-dire qu'il y en a que 68 voilà. Qui en bénéficient, mais il y en a encore autant. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est venue là en fait pour dire qu'on pouvait aussi être quelque chose, accueillir, être ça. Mentor. Tuteur. Tuteur. Enfin, être mentoré, ouais. Jeune mentoré par un. Presque. Synonyme de mentor, c'est quasiment parrain, ça. Parrainé, voilà, parrain. C'est ça. C'est l'UDAF qui est venu sur Fadjet il y a quelques semaines de cela, parler de cela. Et il y a effectivement 68 parrains qui sont parrains ou marraines, qui parrainent des jeunes, mais il y en a presque autant qui sont encore en attente. D'accord. D'un parrain. Et donc, l'UDAF était venu faire la promotion du parrainage. Chacun peut parrainer un jeune en difficulté ou pas, qui a des besoins de... Voilà, donc c'était... Voilà, je voulais souligner cette initiative et également. On le fait avec les jeunes diplômés à Fadjet aussi. Voilà, effectivement. On fait du mentorat avec NQT. Exactement. On accompagne des jeunes diplômés. C'est pareil, parce que mentor, c'était pas mentor, c'est parrain. Oui. Oui, mais voilà, mais on est dans le même. Mais c'est ça. On effectivement. On tournait. Allez, on est à 20 points. 20 points. Allez, c'est à Fabien. Hop. Il ne reste plus que deux. Musique. Question musique. Eh bien, 22. C'est une petite chanson qu'on va écouter. Il faut qu'on dise les points avant. Oui, les points. On part sur quoi ? Parce qu'il n'y a plus que deux questions. Ouais. Mais après on revient. Allez, on refait un tour. Ok. Musique. Tu te sens Oh non, bah, moi je sais pas. Enfin. Les 5. Ouais, si vous retrouvez le titre, non. 22. Donc pas forcément le titre, juste la chanteuse. Ah. Je vous aide déjà, mais bon, je pense que vous auriez reconnu. Bon. Les filles, je compte sur vous. Aujourd'hui, c'est pas moi qui gagne, c'est la vie qui décide. Je ferai pas péter le champagne, je boirai le verre à moitié vide. Ce soir, je mange un peu de loose. Au sol, je ramasse les miettes. La salle s'est vidée sur un blues. Demain, j'en ferai des paillettes. Mais si tu fais la gueule, je fais la gueule. Et si tu gagnes, je gagne aussi. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ce sera moi. Tant mieux, tant pis. Première dauphine. J'ai mauvaise mine, mais je pourrais être heureuse pour deux. Mais je pourrais être heureuse pour deux. Première dauphine. J'ai mauvaise. Alors, la chanson s'appelle Première dauphine et c'était pour faire un petit clin d'œil aux élections des Miss France. Ça ferait comme un... Ah oui. La semaine dernière. Je connaissais pas la chanson, mais la voix me fait penser à Marine de la Starac. C'est à elle que tu pensais, non? Ça peut. Moi, j'ai pensé aussi à. C'est Marguerite qui a fait aussi la Starac, qui a une voix aussi un peu comme ça. Sinon, il y avait aussi Elena qui a fait la parole. Je trouve qu'elle a un peu les voix qui se ressemblent. J'avoue que je ne suis pas très calée dans moi les... Moi non plus, pas du tout. Mais la voix me faisait penser à celle de Marine. Mais après, en fait, comme je ne connaissais pas la chanson, je ne saurais pas dire... Premier. Oui, ça peut... Oui, la directrice, elle pense quoi de tout cela? Je fais confiance à mes acolytes, voilà. Parce que ça ne me dit absolument rien. Je ne regarde pas la Starac. Moi non plus. Je ne regarde pas la Starac, mais Marine, oui. Elena... Voilà, c'est ça. Bah, c'est ce elle passe sur d'autres, oui, c'est vrai. D'autres radios, beaucoup en plus, mais alors, est-ce qu'elle j'aurais dû regarder du coup. Alors, est-ce que ça fait partie... Je pense qu'on est pas mal... On est pas mal dans les propositions. Il faut faire choisir. Du choix, Manu. Voilà. Ok. Donc, choisir. On a déjà sur les trois. Voilà. Ok. Ouais. Bah, je sais pas. Vas-y. Marguerite, vous m'avez fait confiance tout à l'heure sur la mitraillette. Ah ouais. Mais alors là, mais faut pas parce que, enfin, Marguerite, je connaissais pas, donc je sais pas quelle voix là. Et moi, ça m'a fait penser à Marine, mais après, je suis pas sûre. Mais tu connais Marine. Est-ce que tu connais? Oui, je vois qui c'est. Ouais. Ouais. Mais je. Donc Marine qui a gagné la Starac l'année dernière. C'est ça, ouais. Enfin, oui, c'était l'année dernière. Enfin, la voix me faisait penser, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais entendu oui, ça. Oui, allez, vas-y. Ok, bon, ben, partons sur Marine. J'espère que ce n'était pas une autre. Part sur Marine. Ouais, je ne sais pas, il fait une drôle de tête. Non, mais... Il faut un peu perdre aussi des fois, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, oui, oui. Eh ben non, c'est pas Marine. Marguerite non. Ou Elena. Marguerite, alors. C'était mieux. C'est vrai? C'était Marguerite. Bah, tu vois, c'est celle que je connaissais pas, on aurait dû partir sur elle. C'est la seule que j'ai, parce qu'elle fait des chansons assez féministes, oui. Et assez à thème et tout ça. Exactement. Et j'ai cru reconnaître. Et bah voilà. Et elle avait raison. Ah, mais il fallait pas m'écouter, j'avais dit. Manon saura. Voilà. C'est pas grave, on continue. Bah justement, il reste plus qu'une carte, donc c'est forcément. Surprise. Émission. Question. Émission. On fait quoi? Combien de points? Combien de points? Allez, 10. Allez, 10. Allez, 10, on y va. Bah là, de toute façon, c'est sur vous. Hein, ouais. Aurélie fait la com régulièrement pour les émissions, mais après, peut-être... Allez, et c'est une question et une réponse. Ah. Donc, on est à 34. Et on écoute déjà la question. Manu fait régulièrement des rêves, faut le savoir. Mais comme beaucoup. Hein. Okay. Mais des rêves un petit peu, parfois un peu différents, on va dire. I have a dream. Et les copains, j'ai fait un rêve. Enfin, un rêve ou un cauchemar. Je sais pas trop, il faut vraiment que je vous raconte. Mais je peux vous dire un truc, j'ai eu chaud. Mais vraiment très chaud. Je me réveille, la bouche pâteuse, en sueur, mal comme après une vilaine cuite. Et je sens que ça parle à certains autour de la table. Dommage que Maud et Fanny soient pas là. Et là, c'est le nom de l'émission qu'on doit trouver un par un. Non, le rêve. D'abord, ce quel rêve il fait. Moi qui ai peur des chiens, je sens que ça va être un cauchemar. Cette fois-ci, j'espère que je suis pas musher ou pilote de chien de traîneau. Ensuite, l'odorat. Première inspiration. Et ça sent le chien. Évidemment, fallait s'y attendre. Ça sent la transpiration et le graillon aussi. Attends. Mais ça sent le brûlé. J'ai tellement peur de ce que je vais voir, je préfère garder les yeux fermés. Mais au loin, j'entends du brouhaha. J'arrive pas vraiment à distinguer ce que les gens disent. Mais où est-ce que je suis? Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Bon, lui, il a pas l'air très méchant. Il a l'air plus petit. Et là que j'allais ouvrir les yeux... J'ai vraiment très très peur, les copains. Ah, mais ça y est! Je me suis inquiété pour rien. Pas besoin d'avoir peur des chiens, je dois être dans un restaurant chinois ou quelque chose comme ça. Alors là, quel est le rêve de Manu? Il était un chien. Un chien dans un restaurant chinois, il s'est fait cuisiner. Oh, c'est horrible. C'est ça qu'il veut dire, non? Il sort du micro-ondes. On l'a entendu sonner. Alors, on a Aurélie dans l'interprétation des rêves. C'est pas mal. Ça peut être une bonne réponse. Je n'ai toujours pas vu. Hein. Ouais, bah écoute. On valide. Bah, je sais pas, vous avez une autre idée? Ah non, mais parce que c'est un rêve. Quoi, c'est un rêve commun. Global, enfin, oui, c'est quelque chose qu'on devrait connaître. Ou... C'est un rêve. Non, c'est il raconte un rêve. Raconte donc un rêve. Chaque donc, il fait des petites histoires. Donc histoire de chien. Il y a donc, des histoires de restaurants. Oui, moi. Oui. Alors c'est 10 points. Hein. C'est Manus aux aigres douces. Non. Ouais, donc que vous pouvez retrouver ces gros douces ou aux pousses de bambou. Donc qu'est-ce qu'on fait, on valide. Moi je fait qu'il je est vous suis maintenant. Un chien. Il est un chien qui va se faire cuisiner. Un chien dans un restaurant chinois. Bah en fait c'est ce qui enfin il parle de chien de restaurant chinois. Il faut, vraiment quelque chose de très précis. Enfin, ou alors juste te dire qu'il a été cuisiné mais peut-être pas que c'était un chien, je sais pas. On entend les chiens, le chien aboyer, mais du coup, avant d'être cuisiné, je sais plus. Il est avant le micro-ondes, dans un endroit où il y a plein de chiens. Je sais pas si Manu nous écoute, mais ça te va bien. Alors, Manu, non, tu n'es pas un chien, pardon. Mais... Donc, en fait, oui, il est dans un... Voilà, chenil. Dans un restaurant chinois. Ouais. On va écouter la réponse officielle. Je suis restaurateur. Bon, visiblement, c'est pas un resto étoilé, mais bon. Quand faut y aller, faut y aller. Bon, allez, c'est parti. Bon, moi, cuistot, vraiment, honnêtement, je dois vous le dire, je sais pas faire à becter. Tout simplement. Même des carottes râpées, voilà. Je serais foutu de les rater. Bon, donc c'est. J'aurais pu trouver, oui, d'ailleurs. Non, mais, hein. Non, mais bon, voilà, on va dire. T'as... On n'a pas assez réfléchi. Il a enjolivé. Enjolivé. Bah, le chien peut être que restaurateur. Oui. Hein. C'était quand même dans mon restaurant. Je sais pas. Non, tu penses que c'est pas. Bah, c'était un chien qui sortait du micro-ondes dans un restaurant. C'est quand même incroyable. Qui va se faire cuisiner. Ouais. Après, les rêves méritent plusieurs interprétations. Il n'y a pas une mauvaise restaurateur. Hein. Après comme la philo. Hein, restaurant. Après, Élise a quand même dit il est tout simplement cuisinier. Hein. Oui, donc, ce qui était quand même plus près de la réponse. Non, j'ai quand même envie de dire on peut quand même l'accepter là, quand même, non hein, voilà. Merci Benoît, tu es très gentil. Merci. Non mais c'est quand même surtout excellent. Pour 10 points, oui. Parce qu'elle a quand même. Et surtout. Non, mais l'imagination d'Aurélie. Oui, l'imagination, l'interprétation d'Aurélie. Mais... c'est pour ça, si Manu, tu nous écoutes, tu aurais pu encore aller beaucoup plus loin. Tu aurais pu dire que tu étais un chien qui passe. Manu, demande-moi pour tes prochaines chroniques. Qui sort du micro-ondes. Qui sort du micro-ondes. Et qui va se faire cuisiner. Voilà. Ça restera dans les annales. C'est très bien pour le. Sans l'expérience, hein, Aurélie. Tu fais des rêves comme ça régulièrement. Non, pourtant. J'ai jamais cuisiné non plus de chien. D'accord. C'est ça. Bon, et ben on a beaucoup de chance. Et ben, voilà. Oui. Allez, hop, on refait un tour. Hein, après, et on était à. Et ben c'est de nouveau. On est à combien? Donc on est à 30 là. Ouais. Vous êtes à 30. 30. Et ouais. On est à combien de minutes? Il reste 12 minutes. Pour, par rapport aux ceux qui sont premiers. Ah non, 12 minutes au total. Ah ok, on est déjà au-delà. C'est pour ça qu'ils nous donnent les points. Ben voilà, c'est ça. Il faut au moins qu'on arrive aux 40. Émission de nouveau. Émission. Alors, émission. Question, émission. Allez. On va écouter un petit... Un petit... Ah non, on va pas écouter. Non, je vais vous demander le sujet de la chronique de Camille, le lundi matin dans 94.2, service compris. C'est une chronique un peu particulière. C'est le lundi matin, c'est avec Aymeric. Arrêtez pas là, cette dernière semaine, mais elle m'a fait effectivement une chronique un petit peu particulière. On n'a pas dit les points d'ailleurs. Bon, enfin, oui. C'est 5, je pense. 5, oui. On en est. Oui. Allons-y. 10 étant passé, je ne pense pas qu'ils prennent 3 ou 1. Voilà, voilà. C'est ça. Camille. Moi, j'avoue, je l'ai pas, j'écoute pas pourquoi lundi matin. Je n'écoute jamais la matinée. En plus, je sais que Émeric en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a une émission. Essayez de donner une émission qui est sur ça aussi. La cuisine. Si je vous dis ça, c'est un truc un peu particulier. Hein. La cuisine, non. Non, la psychologie. Non, il y a aussi des émissions. Il y en a qui sont tombés sur une question de leur propre émission et qui. Enfin, une musique et ils n'ont jamais su. Ah, bon, ça va alors. Je vais nous rassurer. Merci, vous, Hélène. C'est une chronique, c'est ça? C'est une chronique, hein, chronique. Une chronique. Voyance ouais. Non, pas voyance. J'espère pas. Voyage. Pas voyage non plus, non. Sinon, c'est, non, c'est original, un peu. C'est un décalé. Petit peu. Voilà. Elle pourrait se faire un autre jour que le lundi ou Elle pourrait le faire n'importe quel jour, mais tu vois, j'attendrai pas une chronique comme ça à cette heure-là. Interprétation des rêves. Non, ah, ça c'est pour toi, Aurélie, c'est ta prochaine rubrique. À cette heure-là, donc c'est pas l'heure. C'est une... Voilà, c'est pas un truc le matin. Voilà. Sexologie ou un truc comme ça, non? Bon, il y a encore des enfants dans la voiture, alors je sais pas. Enfin. J'avoue que Fabienne vient de découvrir un truc. Voilà. Quoi? Ah zut. Responsable des programmes dans elle parle bureau. De gens, de, elle parle de personnes qui sont mortes. Ouais, les décès. Ouais, ça pourrait. Non mais il a. Bah, comme... C'est pas responsable des programmes, là, c'est plutôt Françou là. Les qui deux. Gère la matinale. Les deux dans mon bureau. S'il nous non, écoute. C'est Il faut valider si vous voulez découvrir si c'est ça ou pas. Après, faut peut-être qu'on accélère au niveau du temps. Donc dépend. Ouais, allez, allez, vas-y. Sexologie, allez, on valide. Hein oui. Je sais pas, oui, allez. Elle n'a pas toujours tort, hein. Elle a eu tort qu'une seule fois. Pas toujours raison non plus. J'apprends des choses dans cette émission. Ben on écoute la réponse, c'est 47, pardon, excuse-moi. Pas donné... Oui, je ne t'ai pas donné le numéro. 47. Alors, 47. Réponse. Hop. C'est normal. C'est le retour de la chronique co. La pas chronique du tout. Coquine, bah si. La chronique coquine. Stromae nous parlait d'amour dans sa chronique juste avant. Et toi, Camille, on va parler de sexualité. Oui. Et aujourd'hui, tu nous décomplexes. Oh, oui, aujourd'hui. Françou, dans le bureau lundi. Je m'étendais, ça va. Oups. Comme un étendard. Alors, je vais vous parler de quelque chose dont on a peut-être honte dans notre société où le sexe, rime avec performativité. Car toujours plus loin, toujours plus haut, et ben non, ce soir, j'ai pas envie. Et vous aussi, vous pouvez connaître ce geste tendre avant de vous coucher, et puis vous préférez tourner le dos. Alors on va parler de cette fameuse différence de libido dans le couple. Voilà, on va s'arrêter Eric, là. Eric, si tu nous as fini, parce que là, on est en train de perdre Fabienne. Fabienne, souris, mais souris un peu. Oui, bon. Non, mais c'est juste l'heure, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis dans ma voiture. Il y a des gens qui sont du matin. Hein. Non, mais, oui. Mais c'est vrai. T'es dans ta voiture, tranquille, et puis t'entends Emery qui dit... Et là, elle pile. Il est l'heure, c'est la wake coquine. Je pense que je vais écouter un peu plus régulièrement les matinales. Oups, là, elle a découvert des choses. Voilà, merci Benoît. Va réécouter toutes les émissions de l'Académie aussi. Okay. Ah ben, elles sont sur le site de Fadjet en podcast. Mais on apprend plein de choses sur Fadjet. Voilà. Et donc, on a de tout, hein. On n'est pas d'état de la matière à la sexologie. Voilà. C'est la culture G, c'est hein. La culture, La culture et pas le poids. Pas le poids. Allez, allez Fabienne. Allez. Peut-être la dernière les question. Les émotions. Allez. Allez. Musique. Musique. Allez, 5 points. Ouais. Bah oui, de toute façon. Pas allez, pas c'est peut-être. Il nous en reste 10. C'est peut-être la dernière question. Non, il nous en reste 5. 5. Une question. Là, on aura les 40, là, si on répond. C'est allez. La dernière, oui, c'est la... C'est... S'ils ont bon, c'est la dernière. Tout va bien. Il reste allez. Combien de temps? Il reste 7 minutes. Allez. Ah oui. Allez. Allez. Ramasse. Laquelle de ces chansons n'est pas de 1985? Oh là. Bah là, 40 ans... Je vois qu'il y a un ans, numéro sur ta petite carte. Oui, pardon. 54. Merci. Alors, Madonna avec Material Girl. Madonna avec Into the Groove. Madonna... avec Like the Virgin, Whitney Houston avec Saving All My Love for You, Hugh Lewis and the News avec The Power of Love, Indochine avec L'Aventurier, Partenaire Particulier qui chante Partenaire Particulier. Elles sont toutes de 85 sauf une. Laquelle n'est pas de 85? On est j'aurais tendance à dire Whitney Houston, je la vois un peu après. J'en ai strictement. Il y en a, je ne connais pas. Il y a trois Madonna quand même. Elle n'a pas sorti trois chansons en 85, si. Elle a sûrement sorti un album, donc sûrement 10 chansons. C'est ça. Parce que Power of Love, c'était la chanson. Elle est sortie au moment où il y avait Retour à le futur. Ouais, donc 85, c'est ça. Ouais. Après, le reste, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire Whitney Houston un peu après. Plus vers, tu vois. Là, franchement, sur celle-là, je me suis. 80. Idée, il faut qu'on speed. Non, allez, Whitney Houston. Ouais. Whitney Houston. Ah oui, on valide. C'est oui, bon. Oui, il faut qu'on Whitney y aille. Houston. Qu'on y aille, parce qu'après. Whitney Houston. Oh, bon. On écoute. Ah, c'était un beau film. C'est pas vrai, 85, 87 peut-être. Ouais. Ouais. Ah non, c'est bien avant, c'est 82, je crois. Ah oui. 80, attendez, je sais plus. Je regarde mes notes. Dans la vallée infernale, Bon, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Oui, on n'a pas le temps, on va speeder. Excusez-moi. T'as perdu. Tu nous diras après, Benoît. Voilà. Allez, on repioche. 82. Allez. Merci. Hop. Encore une. Allez, on se dépêche. Il nous reste genre 5 minutes, là. À peine. C'est ça. C'était, c'était à moi. Pardon. Alors, on redit. Eh ben, on mise tout sur celle-là, alors. Insertion. Insertion. Eh bien, 5. Choix, Question insertion. Allez, ça peut le faire, ça. C'est tout frais, hein. Vous avez écouté cette semaine ? Non. C'est une de mes dernières questions. Une boutique éphémère s'est installée place Stanislas pendant la période des fêtes. De quoi s'agit-il ? C'est avec l'Adil. C'est en fait, c'est un, ils avaient une recyclerie et un chantier d'insertion qui a fait une recyclerie et une boutique éphémère qui est ouverte place Stan pour vendre... Rebond. Rebond, voilà. C'est Rebond. Mmh. Rebond quoi ? Rebond ? Rebond, c'est rebondissement. Rebond. Ulysse. Rebond. Bah, l'association Rebond. Mais la boutique s'appelle pas Rebond. Ah, Rebond. Dissement. Qu'est-ce qu'ils font, Rebond ? Ils font quoi ? Bah, de... Ils recyclent. Recyclent quoi ? Ah, c'est Rebond Jouet. Ouais, donc. Rebond Jeu. Rebond. Rebond Jeu. Rebond, rebond Jeu, mais il y a peut-être entre. Mais quand même, on a Rebond de jeu. On a Rebond Jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Rebond. Deux jeux. Des jeux, deux. Entre rebond jeux. Et jeu, si on met quelque chose entre. Au jeu. Rebond. À jeu. Je vous l'ai dit. Rebond, rebond de jeu. Rebond de jeu. Rebond. Oui. Rebond. Rebond jeu. Rebond entre jeux. Allez, on écoute. Rebond les jeux. On écoute. On écoute quoi ? Pardon, 59. Pardon. Déjà, dans un premier temps, si on explique un petit peu ce qu'est la structure rebond. Parce qu'il y avait rebond, rebond entre jeux. C'est, oui, voilà. C'est il y a beaucoup de mots. Et donc voilà, qu'on soit un petit peu clair là-dessus. Alors, rebond, c'est un atelier chantier d'insertion qui existe depuis 2018. Ouais. Qui portait plutôt des prestations de services. D'accord. Donc, des postes d'agents administratifs, animateurs, une conciergerie d'entreprise. D'accord. Et en 2024, elle a pris un virage complètement différent. Puisqu'on a ouvert une recyclerie spécialisée dans le jeu et jouets. D'accord. Qu'on a nommé Rebond entre en jeu, ouais, parce qu'on trouvait ça intéressant quand même de nommer cette nouvelle entité, si bah on oui peut dire. Mais c'est vrai que l'association, c'est Rebond. C'est Rebond. Et donc l'idée justement, c'est on parle jouets et jeux. Comment ça se passe ? Comment ça se passe le cycle en fait ? Les jeux vous arrivent comme ça ? On vous les on a envoie, gagné, là, vous les réparez, on comment est ça se passe ? Et bah, c'est de la collecte. On a atteint les 40 marches. C'était le défi. Oui, voilà. Non, mais c'est... J'en ai pas plus. Hey. La question était quand même corsée, quand même. Oh, bah, pas plus que les autres, hein. Non. Si bon. Un peu quand même, hein. Non. Mais bon, de toute façon, notre objectif, c'était de perdre. Il faut qu'on fasse la réussite, ouais. En combien de temps Je peux faire mon petit pardon, calcul. Excuse-moi. Bon, on va écouter un petit... Parce qu'après, il faut qu'on organise un petit disque, et puis après, on les fera chanter un petit peu. Hein. Ah mince, j'avais oublié ça. Sur le mal-aimé. Ah, c'est facile, ça. Ah, la chanson si. De Fetch. Non, non, aujourd'hui c'est le mal-aimé. Voilà. Ah oui, t'as tu. Oui. Attends. Non, mais elle veut ah son... oui, mais ça c'est pour chanter après. Elle là, veut on son rap. Musique. Elle veut son rap. C'est elle a choisi après. Version non, rap. Ben non. Si, c'est NTM, une version NTM. T'as demandé à Jean-Luc. Ah, pas non. Du tout. Non, ça c'était ma demande. Aurélie. C'est moi qui ai demandé une version rap. C'était celle que. Non. Ah, je voulais la première version. C'est pas grave. Italienne. Tu voulais pas. Tu m'avais pas demandé la musique des 40 ans. Si. Mais ah, mais c'est ça. C'est celle-là. NTM. Voilà. Mais d'accord. Alors, ça sera pour Aurélie. Alors, bon, attends, on va juste. Alors, est-ce qu'on peut juste quand même. Tu as prévu de l'introduire, cette chanson ? D'expliquer, parce oui, que les alors, paroles. Effectivement, ah, non, c'est voilà. L'IA. C'est... Qu'est-ce que tu veux ? Oui, vas-y, tu veux. Oui, alors, non, mais parce que la chanson. Cette fameuse chanson des 40 ans, parce que c'est toi, Benoît, oui, aussi, oui, qui a réécrit un texte à la base. Et, sur une chanson des Enfoirés. Exactement. On a chanté lors des 40 heures de live qu'on a fait au mois de février et on s'est amusé un peu avec l'IA pour en faire des nouvelles versions un petit peu retravaillées pour nous en interne. Donc voilà. Et je crois que chacun a sa version. Chacun voilà. A sa version. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire avec l'IA maintenant. C'est, voilà, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Hein. Et ça donc, fait peur et en même temps c'est. Donc la semaine dernière, Laurent en a passé une version un petit peu Modern Talking comme il l'a commandé là. Fabienne avait passé trois cafés gourmands dans l'émission de Si et on parlait de vous avec Yannick. Et là, une autre version, je pense qu'elle n'a jamais été diffusée. Celle-là, elle est un peu rap, hein, façon NTM. Voici écoutez les paroles. Écoutez les paroles surtout. Oui. Créée par Benoît. Et après, vous chantez. Toujours debout, toujours en place, Fadienne. On a traîné sur Fadiette, c'est ancré dans nos... piège. Rester droit dans l'orage, c'est ce que Guy nous a dit. On avançait en courage. On a tenu le choc, même quand ça tirait fort. Si t'as connu la galère, tu sais qu'on lâche pas l'effort. On a serré les dents, on a levé les bras. Fadiette c'est ferme mais ça bouge pas. Parfois tu t'égares, la route devient trouble. Mais ici y'a toujours une main qui te retient quand tout s'écroule. On dit qu'ensemble on plie pas, même quand le ciel s'assombrit. On dit que si t'avances seul, c'est là que tu t'affaiblis. Les doutes on les connaît, ils font partie de nos jours. Fadiette a pris des coups, mais Fadiette tient toujours. On poursuit la route demain, pas d'accord, pas de frein. Si on sait, ok mais c'est nous qui tenons le terrain. On bouge le décor, on frappe fort, on tient la ville. Fadiette 40 ans, on reste debout, jamais fragile. On poursuit demain. Nerveux, des nuits électriques, rock, funk, jazzy. On a tout traversé, toujours soudés, toujours prêts à y retourner. Le chemin est long, ça on le sait déjà. On nous traite de fous, mais on recule pas. Parce qu'au fond, si nous on n'y croit pas, dis-moi qui croira. On poursuit la route demain, pas d'accord, pas de frein. Si on sait, ok mais c'est nous qui tenons le terrain. On bouge le décor, on frappe fort, on tient la ville. Fadiette, 40 ans, on reste debout, jamais fragile. On poursuit demain. L'Académie Fadjet. 19h passé de 56 minutes. L'émission se termine tout doucement. Les scores. Swellen. Alors, ils sont. Alors, je sais pas combien tième, mais avec 37 minutes et 29 secondes. Pour atteindre les 40 marches. Non, mais on a gagné notre pari. Nous avons donc nos finalistes hein, pour la semaine prochaine. Nous avons donc les mêmes finalistes qu'au début de l'émission, les Alpha Jet et la bande à Bruno. C'est ça. On les retrouvera, la semaine prochaine. Pour alors, les Alpha Jet, ils ne viendront pas au complet. Non, ils sont un peu. Il en manquera un petit bout. Oui. Et ben, on complétera avec l'équipe, avec des. Les aidera. Jokers. Voilà. Avec des jokers. Bon, en musique, je me débrouille bien. Ah, voilà. On a été si fortes ce soir. Exactement. Allez, on finit en chanson avec. On en parlait au début de l'émission, notre petit loup, là, qui d'ailleurs va exister en peluche. Hein, puisque ça a été validé par la grande chaîne de magasins, pour ne pas la citer, qui va fabriquer donc des peluches à l'effigie du loup que vous pourrez prochainement trouver dans le magasin. C'est bien sûr de cette publicité qui est extrait Claude François le mal-aimé. Donc ça, à mon avis, le disque va se revendre. C'est parti, il va avoir une deuxième carrière pour... Apparemment, ça explosait sur Spotify ou je sais plus lequel. Tous les jeunes, à mon avis, il y a plein de jeunes qui ne connaissaient pas la chanson et donc ils vont la découvrir. Et nous, eh bien, vous allez la chanter avec moi. Voici le mal-aimé version Académie Fadjet. L'Académie Fadjet, la chanson finale. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire je suis et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai de demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Car je suis mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent. Allez, Lise, je me sauve. Je rencontrais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où viennent mes joies? On n'est plus du tout dans le là, c'est en canon, on va dire. Le mal-aimé Claude François. Oh, voilà, voilà. Avec Fabienne et Lise. Et alors, on fait bien, Fabienne, hein, on fait bien. Merci, c'est fini pour cette huitième émission de l'Académie Fadjet. Merci, merci à vous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve avec bien sûr vendredi prochain pour.